Je crois qu'en l'occurrence, la meilleure conclusion, ce sera de laisser la parole au public. Oui, alors, d'abord, bonjour. Tu es jeune, toi ? Oui, oui. Alors, tu as écouté avec moi le dernier album des Halogènes Insecticides ? Alors, bon, bah, qu'en penses-tu, quoi ? Franchement, en qualité de jeune, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Et alors, donc, tu vas l'acheter, cet album, avec ses actions, non ? Bien sûr, dès le 1er octobre.